che suona la terra di Dio, non ci va più. Va bene che si danno sane. Final Countdown. I was the final. J'aimerais bien faire une version comme ça. Bah, je vais chanter une chanson, mais c'est vous qui faites la musique. Moi, j'ai pas de musique. Ça marche plus, tout cassé. J'ai tout cassé en faisant une mise à jour. Ça veut pas, ça veut pas. Il faut pas s'énerver. Après, c'est foutu. Living together. Je me présente, je m'appelle Benji. C'est quoi la tonalité? We're living together. We're still in power. T'aurais pas Final Countdown sur ton synthétiseur? Tu mets la séquence, tu fais tourner une séquence synthétiseur, rien qui marche. Contact de Kyo. Allez, on va faire Kyo si tu veux. Au bistrot, pourtant j'ai testé, ça marchait bien. On va faire Je te survivrai parce que ça fait tellement longtemps que je veux la refaire, ça là. Merde. Ah non, j'ai téléchargé un truc, ça m'a tout niqué. Voilà. Ça c'est ça la chanson bien. De référence. Allez, on va se faire une version. Mais bon, moi je la chante moins bien que toi. Tu rigoles. Moi j'ai dansé sur ta chanson. Par contre, tu pourras. Est-ce que tu peux me donner la tonalité? Attends, je peux l'écouter direct là. Allez, mais fais-moi l'écouter. Tu avec Google? Attends. MRZ, Yves. Alors c'est quoi? C'est quoi? Attends, ah merde! J'ai été dans les arrêts au port. Merde. Je suis détuné là. Attends. C'est ça là. Merde, attends. Merde, putain de synthé. Merde. Oh putain, attends, c'est chiant là. C'est fou. Et après c'est quoi Non, putain, j'ai pas fait. Mais c'était dur ton morceau. J'arrive pas à le faire. Putain, il est où le... J'ai perdu les paroles. Génial, j'ai perdu les paroles. Je vais redemander à Google. Bouge ton cul, la marque. Définition, bouge ton cul. Dans des miroirs chinois, dans le bleu des photos, dans le regard d'un chat, dans les ailes d'un oiseau, dans la force d'un arbre, dans la couleur de l'eau. C'est bon, je l'ai, hein. Attends, arrête la guitare. C'est la même mais en moins cher. Attends, arrête la guitare. Dans les miroirs de... Merde, je me perçois. C'est difficile avec Jam Tabac là. Oh, j'ai cru, ouais. J'ai cru comprendre. Je te survivrai. Oh putain, c'est aigu quoi. Je te survivrai d'un amour vivant. Je te survivrai dans des yeux d'enfant. Je te survivrai comme un revivant. Je te survivrai dans des yeux d'enfant. Il y a combien de mesures là? C'est en 32, je crois. Faut beaucoup combien de mesures là? Enfin, quel refrain? Je suis un peu aigu, hein. Je te survivrai. J'ai même pas un truc là, je suis en acapé là. Je te survivrai. Je te survivrai d'un amour vivant. Je te survivrai dans les yeux d'enfant. Je te survivrai comme un revenant. Je te survivrai. Je te survivrai. D'un amour vivant, je te survivrai. Dans des yeux d'enfant, je te survivrai. Comme un revenant, je te survivrai. Survivrai. D'un amour vivant, je te survivrai. Dans des yeux d'enfant. Ah ouais, quand tu fais Jam Tabac, ça te coupe le truc.